Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Trois enfants ont été tués ce lundi matin dans la commune de Garumbo en province de Kayanza au nord du pays. L'auteur du crime s'est suicidé quand on tentait de l'arrêter. Agathon Rwasa réclame encore son parti, le FNL. Il accusait le gouvernement de n'avoir manifesté aucune volonté pour qu'il soit réunifié. On en parle dans ce journal. Dans ce journal également, le président de l'ORICOM estime qu'il n'y a rien de nouveau dans la récente déclaration de la ministre de la Justice qui promet une véritable lutte contre la corruption au sein de la magistrature burundaise. Et puis, l'ONG locale, Parsem, a rouvert officiellement ses portes vendredi. Elle revient, selon son président, Faustin Ndikoumana, avec la même ardeur en vue de toujours plaider pour la bonne gouvernance et l'état de droit au Burundi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Trois enfants ont été tués à coups de machette par un certain Claude Bigirimana ce lundi matin à la colline Rukago de la commune Garumbo en province de Kayanza au nord du pays. Deux autres enfants sont dans un état critique à l'hôpital. Ils ont été blessés par la même personne. Des informations émanant du lieu du forfait indiquent que l'auteur s'est suicidé à l'aide d'une corde au moment où l'on tentait de l'arrêter. Les mêmes sources précisent que Claude Bigirimana accusait ces jours-ci une certaine déficience mentale. Le gouvernement burundais n'a manifesté aucune volonté de mettre en application la feuille de route en son article portant réunification des partis politiques scindés en elle. C'est du moins la déclaration d'Agathon Rwasa qui accuse le ministre de l'Intérieur de ne rien faire pour réunifier les FNL. Agathon Rwasa, joint au téléphone par Évariste Nzikobanyang. La réunification du côté du FNL me semble plutôt une question qui n'en est pas une. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique de la part de ceux-là même qui ont été acteurs de cette scission, de cette division, et qui l'ont entretenue et l'entretiennent, si je puis dire. C'est quand même un peu étonnant et agaçant de voir qu'il y a des gens qui s'évertuent à faire croire que Agathon Rwasa n'a pas le droit de se réclamer FNL, qu'Agathon Rwasa, je n'ai pas le droit de dire que le FNL, c'est mon parti. Mais après tout, un parti pour lequel j'ai combattu, un parti que j'ai réussi à faire enregistrer dans le palmarès des partis politiques burundais, un parti que j'ai servi, et un parti qui, aujourd'hui, à vrai dire, si on regardait les élections passées, avec tous les qualificatifs que les uns et les autres peuvent leur appliquer, comment prétendre que l'OFNR se trouve du côté ou sur le terrain? Les élections ont démontré qu'il n'existe pas. Pourquoi ne pas être réaliste et se conformer, ne fût-ce qu'un peu, à la feuille de route qui avait été consentie mutuellement en 2013 et de laisser l'environnement politique s'améliorer, puisque c'est dans ces conditions-là que l'on peut réellement assister à une véritable compétition démocratique. Agathon Rwasa, auriez-vous approché le ministre de l'Intérieur pour lui parler de la question qui reste en suspens? Oui, je lui ai parlé de cela, mais vous savez, il est lui aussi membre d'un parti politique et il est au service d'un pouvoir. Et donc, si la volonté politique n'est pas là, je ne vois pas assez. Nous avons cherché sans succès le ministre de l'Intérieur pour qu'il s'exprime à ce sujet. Tous ces téléphones étaient éteints. Il n'y a rien de nouveau dans les déclarations faites par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, faisant état de son engagement dans la lutte contre la corruption au sein de la magistrature. Ce sont du moins les propos tenus par Gabriel Roussili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. D'après lui, de tels discours ont été prononcés par ses prédécesseurs, mais la mise en application n'a pas suivi. Suivez plutôt Gabriel Roussili, joint au téléphone par Placide Niyomungere. Je qualifierais donc de son discours que c'est un discours d'intention. Tous les ministres qui se sont succédés à la tête de son ministère, ils parlaient justement de la lutte contre la corruption. Je voudrais juste vous rappelez de ses prédécesseurs qui disaient la même chose. L'ancien ministre de la Justice, Madame Ancien Nakabulimbo, elle voulait plutôt que certains dossiers qui se trouvaient au niveau de la justice, exactement à la Cour suprême, soient clôturés en justice, mais c'est elles-mêmes qui ont été limogées. Donc, le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. Donc, vous comprendrez qu'à ce niveau, il y a ce problème très profond. En deuxième lieu, c'est le ministre actuel de l'Intérieur. Il est arrivé en plus du discours, de son discours d'intention. Il a demandé à ce qu'une loi qui sanctionne tout fonctionnaire de l'État, à commencer par les magistrats et les juges, qui causerait des préjudices énormes à l'État suite au mauvais traitement d'un dossier en justice ou ailleurs, surtout en demandant la corruption, que ces individus payeront et à eux-mêmes les dommages causés. C'est une loi qu'on appelle la loi concernant l'action réquisitoire. Cette loi est là. Je pense que cette loi vient de passer plus de 3 ans. Ce sont des discours d'intention qui ne sont pas malheureusement accompagnés par des actions complètes. Même le système qui est là au niveau des textes, au niveau des lois, ça favorise la corruption. Quand on regarde la loi qui régit la brigade spéciale anticorruption, la loi qui régit le parquet général, et ce sont des lois qui favorisent la corruption. Gabriel Roussili ajoute également qu'il n'y a aucun texte juridique qui accorde les prérogatives au ministre, qui que ce soit, d'accorder un pardon de masse, comme la ministre de la Justice l'avait soulevé pour les corrupteurs et les corrompus. Mais pour vaincre la corruption, il faut que les dirigeants présentent leur vision pour le pays, selon encore une fois Gabriel Roussili, que je vous prie d'écouter. Beaucoup de gens ont évoqué le pardon de masse contre les corrompus au niveau de son ministère. D'abord, ce pardon n'existait pas aux yeux de la loi. Toutes les lois, à commencer par la Constitution du Burundi, ne figurent nulle part pour dire que tel ministre ou telle autorité peut faire le pardon de masse. Ces propos me rappellent les propos d'un ministre de la bonne gouvernance de 2006, du nom de Joseph Nakartimana, où il appelait donc les corrompus de se présenter en DEA 2 semaines, faute de quoi donc il sera sanctionné. Ça n'a pas été le cas. Ce discours d'intention que la ministre pourrait faire la différence, moi je dirais non. Je dirais non pour que la corruption au niveau du ministère de la Justice soit combattue. Ça ne demande pas le souhait ou la volonté d'un seul ministre. C'est tout le système qui doit être réformé. Gabriel Roufsili, président de l'OLUCOM. L'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement de mentalité a rouvert ses portes vendredi dernier. Le procureur général de la République a jugé inopportune les poursuites arrêtées à l'encontre de cette organisation dans le cadre du putsch manqué du 13 mai à l'année dernière. Faustin Dikoumana, président de la PARCEM, indique que son association revient avec la même ardeur en vue de toujours plaider pour la bonne gouvernance et l'état de droit au Burundi. Il conseille l'appareil judiciaire de se défaire de l'emprise politique pour jouer son rôle dans la stabilisation du pays. On l'écoute. Enregistré dans un même dossier, oui, judiciaire, mais nous avons dit en matière pénale, la responsabilité pénale est individuelle. Nous, à travers un membre de PARCEM, un employé de PARCEM qui avait été mentionné dans le rapport, nous avons harcelé aussi la justice, nous avons demandé en quoi réellement cet homme est accusé. Quelles sont les infractions avec un caractère pénal dont il peut être coupable? Il faut prouver. Nous avons émis des requêtes, nous avons demandé, incessamment. La justice a finalement vu qu'il n'y a pas de, raison de continuer à poursuivre l'individu et notre organisation. Nous sommes satisfaits. À l'appel qu'on donne à la justice, elle doit comprendre son rôle fondamental, sa contribution fondamentale dans les résolutions de la crise. Parce que nous devons avoir une justice professionnelle, une justice neutre, une justice comme un arbitre pour protéger les gens, pour rendre justice aux gens. Parce que les intérêts politiques, des fois, font que le pouvoir peut, en certain moment, commettre des abus. Dans ces circonstances, c'est la justice qui vient pour protéger. Je dois dire qu'une justice professionnelle, une justice neutre, c'est l'un des facteurs pour contribuer à la résolution de la crise actuelle. Elle doit le comprendre. Si c'est une justice qui est instrumentalisée, c'est vraiment contribuer à l'alignement de la crise. Isanganiro. Trouble à la prison centrale de Ruyigi, les détenteurs se sont révoltés dans la matinée de ce lundi. Ils dénoncent la lenteur des jugements, surtout pour les prévenus originaires de la province de Changuzo, ainsi qu'une mauvaise alimentation dans cette maison de détention. Les responsables des institutions judiciaires des provinces de Ruyigi et Changuzo promettent de traiter leur dossier dans l'immédiat. Les détails, c'est avec Jean-Claude Chimiliman. Un immense bruit de chants et hurlements retentissait de la prison centrale de Ruyigi de la matinée de ce lundi et gagnait toute la ville. Certains détenus, assis sur le mur de la prison, jetaient des pièces et morceaux de briques à l'extérieur, au point que la route qui passe près de cette maison de détention était devenue impraticable. Les policiers ont essayé de ramener l'ordre, mais sans succès. Il a fallu attendre jusqu'à l'arrivée du gouverneur de la province de Changuzo et du procureur de la République dans cette province pour que la bagarre s'arrête. Ceci en compagnie du gouverneur de la province Ruyigi, du procureur de la République, du député Claude Nguzmana, élu dans la circonscription de Ruyigi, du commissaire provincial de la police, sont entrés dans cette prison pour une réunion de circonstances. Les problèmes majeurs soulevés par ces détenus s'articulent autour de la lenteur des jugements et l'alimentation qui laisse à désirer. Ils ont indiqué que les prévenus originaires de la province de Changuzo sont presque abandonnés, puis que les dossiers pour lesquels ils sont poursuivis ne sont pas traduits en jugement au tribunal. Ceux qui ont pris la parole ont même souligné que certains d'entre eux ont raté la grâce présidentielle faute de jugement alors qu'ils viennent de passer des années dans cette maison de détention. Au sujet de l'alimentation, les détenus ont indiqué qu'ils ne reçoivent ni de sel, n'ont plus d'huile dans leur repas quotidien et rappellent qu'ils restent des humains comme d'autres, même s'ils sont privés de liberté. Le procureur de la République à Changuzo, de même que celui de Ruyigi, ont tous promis d'organiser des audiences publiques pour leur dossier, en commençant par les plus anciens. Eric Emerusabe, directeur de cette prison de Ruyigi, reconnaît que cette maison de détention ne dispose ni de serre depuis novembre 2015, non plus de l'huile depuis décembre 2014. Toutefois, il fait savoir que ces produits feront partie du prochain ravitaillement. Jean-Claude Nshimirimana, Luigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude. Le trafic des enfants s'observait dans la commune de Rugombo, dans la province de Cibitoke. Le chef de zone Kilamila dans cette commune signale qu'il s'observait des cas de disparition des enfants. Gilbert Manilakiza donne l'exemple d'un homme qui a été surpris quand il rassemblait des enfants. Blaise Célestin de Okugai. Le trafic des enfants devient une réalité dans notre pays. C'est alors dans la commune Rugombo, zone Kilamira, que le suspect de ce trafic a été arrêté en train de rassembler des enfants, arguant qu'il allait leur donner du travail, comme cet enfant l'exprime. Il nous a appelés, il nous a dit qu'il va nous donner du travail, de la vente des œufs. Il nous a alors donné de la bouillie et après, il nous a demandé de rentrer pour revenir le lendemain matin. Quand nous sommes revenus très tôt le matin, il a acheté encore de la bouillie et il a commencé à nous expliquer comment nous passerons à Bujumbura pour acheter des œufs. Le chef de zone Kilamira, Manirakiza Gilbert, affirmait que cet homme suspect était déjà avec les enfants, d'où il a demandé à sa population de le surveiller pour qu'il ne s'échappe pas. La population nous a informé sur la présence d'une personne inconnue du milieu et lui avons dit de le suivre de près. Quand nous lui avons posé des questions, nous avons remarqué qu'il n'est pas de notre zone et nous avons constaté qu'il était à la recherche des enfants. Il a fait savoir qu'il voulait leur donner du travail de la vente des œufs à Rumongue. Il a souligné qu'il voulait des garçons dont l'âge varie entre 12 et 15 ans. Concernant les documents, il n'avait rien comme identité, raison pour laquelle nous l'avons remis à la justice pour qu'il soit interrogé, que la justice suive de près son cas afin de pouvoir punir les personnes qui sont à l'origine de l'abandon scolaire. Je suis sûr que ce n'est pas pour la première fois que cela se passe dans les différentes zones de notre commune Rugombo, car nous observons actuellement beaucoup de disparitions d'enfants. Nous pensons alors que c'est un réseau d'hommes qui exerce le trafic d'enfants. D'après nos enquêtes, nous avons remarqué que cet homme, suspect de Rumongué, exerce le commerce des poissons et non pas celui des œufs. Ses voisins ont souligné qu'ils ne le voyaient pas il y a beaucoup de jours. L'accusé, Jean-Claude Bigirimana, originaire de la commune Rugombo, zone province Cibitoke, est nommé de la police au chef-lieu de la province Cibitoke. Blaise Célestin Ndiokubgayo, la crise sécuritaire qui frappe la ville de Bujumbura a affecté les motards de la province de Gitega. Ceci indique qu'ils travaillent actuellement à perte suite aux effectifs qui ont gonflé. Ceux qui ont vu leur boulot se terminer dans la capitale Bujumbura, spécialement dans la commune urbaine de Mukaza, se sont repliés vers le chef-lieu de la province de Gitega au centre du pays. Arthur Kavaouchi nous en dit plus. En arrivant sur les différents parkings de moto dans la ville de Gitega, il est visible que leur effectif a sensiblement augmenté. Les transporteurs de personnes à moto disent que cette situation a fait que le versement quotidien de 10 000 francs n'est plus possible. Ils disent qu'actuellement, ce versement est donné forfaitairement à la fin de la semaine et qu'il varie entre 20 et 30 000 francs. Ces motards indiquent que la pauvreté qui est dans la population fait que l'effectif de ceux qui se déplacent à moto a diminué et que cette situation fait qu'ils travaillent à perte. Comme ces motards le font savoir, la cause de tous ces problèmes est l'insécurité qui règne dans la ville de Bujumbura, qui a fait que beaucoup de motards ont quitté Bujumbura pour Gitega, ce qui n'a fait qu'augmenter leur effectif. Le président de l'association des motards de Gitega, Jado Nzitunga, demande à ses membres de patienter du fait que les mois de février, mars et avril, la population est en crise et que cela doit affecter l'économie de ces motards. Afrika Mabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Au sud du pays, les routes reliant la province de Bururi aux provinces voisines de Makamba et Gitega sont en mauvais état, à tel point que certains véhicules ne les fréquentent plus. Ces routes, dont le probable bitumage alimente les campagnes électorales depuis 10 ans, vont bientôt être asphaltées, selon Christian Ngurunziza, gouverneur de la province de Bururi. Reportage de Jean-Pierre Misago. De gros et nombreux nids de poules jalonnent les routes Taba Makamba et Taba Mahwa et inquiètent les passagers obligés de les fréquenter. Certains chauffeurs fréquentent ces routes à des prix exorbitants et à l'insu de leur patron. Ces routes étaient pourtant vantées lors des campagnes électorales depuis 2004 qu'elles seront goudronnées. Des topographes étaient même visibles chaque fois à la veille des élections, ne laissant que des piquets sur place. Christian Ngurunziza, gouverneur de Bururi, rassure que ces routes qui favoriseraient les échanges commerciaux entre les provinces Bururi, Makamba et Gitega seront bientôt bitumées. Je suis en contact régulier avec le directeur général de l'office des routes, ODR. Il m'a dit qu'ils ont terminé les études pour le bitumage de la route Taba Makamba et Taba Mahwa. Je pense que la route aussi Mahwa-Gitega, les études sont déjà terminées. En attendant ce bitumage qui peut prendre quelques 2 ou 3 années pour effectivement commencer, le gouverneur de Bururi dit que l'office des routes a promis d'ici peu de réhabiliter à la carrière ces 2 routes. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Plus de 10 personnes ont déjà péri depuis le mois de janvier dernier, emportées par la rivière Mugere de la commune Mutambu. Nous sommes dans la province de Bujumbura, comme cela est confirmé par les chefs de différents villages traversés par cette rivière. L'origine étant des pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette commune le 17 janvier et qui ont causé l'effondrement de tous les ponts de la rivière Mugere. Jusqu'alors, la situation reste telle car les résidents sont incapables de réparer ces ponts. Ils demandent un appui matériel pour pouvoir les reconstruire. Cela fait un peu plus de 20 ans que les résidents de la colline Ebulima 1, en commune Mutambu de la province Bujumbura, enterrent les leurs dans leurs champs. Tout commence en 1993 quand les habitants de cette colline ne pouvaient pas arriver au cimetière, craignant une position militaire qui était dans cette localité. Après la crise, ces habitants n'ont pas pu regagner le cimetière qui a finalement été transformé en champ de culture. les sous-collines Guetta et Raro, sont les plus menacées par des tombeaux. Les habitants craignent que toute la colline de Ulima 1 ne devienne entièrement un cimetière. Les résidents attendent impatiemment la réponse de l'administrateur communal qui a promis d'y remédier il y a un bon bout de temps. En international et sans transition, nous nous rendons en République démocratique du Congo, où la majorité présidentielle revendique 16 des 20 nouvelles provinces qui ont organisé samedi dernier les élections des gouverneurs. L'opposition, elle, parle d'un non-événement et d'un vote acheté. Aux 14 provinces qui ont voté pour des candidats épinglés majorité au pouvoir, la majorité revendique deux autres provinces, à savoir le Bas-Uele et le Kasaï central. Selon elle, ces deux entités ont élu des candidats indépendants mais appartenant à des partis alliés. Mais l'opposition persiste et signe. C'est un fait divers, pas un événement, estime Jean-Bertrand Ewanga, qui est le secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitewuti pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Huitariho.